Chapitre 2. Le secret du pâtre. Une heure après, le jeune dandy sortait de l'hôtel du boulevard Saint-Germain. Sa limousine l'attendait à la porte. Il lança une adresse à son chauffeur. Quelque temps après, il pénétrait dans un immeuble de la rue Galilée. « Monsieur Léon Sauvage est-il chez lui ? » demanda-t-il à la concierge. « Je le crois bien, monsieur, au second, première porte à droite. » « Je sais, merci. » Arrivé au second étage, il sonna. Un domestique vint ouvrir. D'un geste délibéré, il tendit sa carte sur laquelle était écrit « Marcel Leguet, gentilhomme cambrioleur. » Un jeune homme de son âge, blond, élancé, vint à lui en s'écriant « Comment, toi ici, Marcel, et sous ton nom véritable, tu ne crains donc pas ?»« Je ne connais pas la crainte. » « Toujours audacieux. »« Toujours, mon cher Léon. » »« Et quel bon vent t'amène ?»« J'ai besoin de toi. » »« Parle, je t'écoute. » Les deux amis s'installèrent dans un petit cabinet de travail et allumèrent des cigares. Marcel Leguet commença. « Tu sais que j'ai toujours professé les idées les plus larges et que, lorsqu'il s'agit de la propriété d'autrui, je suis libre-échangiste. » Comme j'étais né sans titre ni fortune, j'ai considéré que le sort m'avait frustré et j'ai résolu de frustrer à mon tour le destin. Je suis entré dans la peau d'un certain comte Louis de Beaulieu. La fortune m'a souri comme elle sourit à tous les audacieux. Mais figure-toi que le véritable comte de Beaulieu avait une histoire mystérieuse. La voici en quelques mots. Son père a été empoisonné il y a quelque 20 ans. Lui-même, à l'âge de 4 ans, a été enlevé et confié à un paysan du Tarn qui s'appelait Paul Bréat. Ce père adoptif, en mourant, a révélé à mon comte de Beaulieu le secret de sa noble origine, mais il a rendu l'âme avant d'avoir pu terminer son intéressant discours. Ses derniers mots furent « Le pâtre dans le pâtre ». Et du doigt, il montrait une banale statuette placée sur la cheminée. Le jeune comte de Beaulieu ne s'expliqua pas ses paroles énigmatiques. Après la mort de son mari, la veuve Bréat vint habiter Paris, mais cette paysanne négligea de se faire inscrire au bureau de l'état civil. On ignorait donc où elle était domiciliée et ce qu'elle était devenue. Sur ces entrefaites, nous apprîmes que le comte Georges de Beaulieu, père du comte actuel, avait en réalité été empoisonné par ses beaux-frères, les barons de Gramat. Ceux-ci, voulant hériter, avaient résolu d'empoisonner aussi l'enfant. Ils étaient aidés par un complice, Bastien Génis, le majordome du château de Beaulieu. Une de leurs conversations secrètes fut surprise par un fidèle serviteur nommé Jules Bréat. Celui-ci, voyant le péril qui menaçait le fils de son ancien maître, enleva le jeune comte Louis, qui, comme je l'ai déjà dit, était alors âgé de 4 ans. Il confia à son frère Paul Bréat, qui habitait Carmaux, dans le Tarn, et retourna au château. Les meurtriers eurent-ils connaissance de son acte? Le soupçonnèrent-ils d'avoir surpris le secret? Quoi qu'il en soit, Jules Bréat disparut mystérieusement et l'on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Il avait recommandé à son frère Paul de cacher le jeune comte afin de le sauver. Il importait, en effet, que les barons de Gramat ignorassent ce qu'était devenu l'enfant. Mais leur complice, le majordome Bastien Génis, cherchait. Il savait que feu le comte Georges de Beaulieu avait, en mourant, confié à son fidèle serviteur Jules Bréat un papier de la plus haute importance. Et, interrompit Léon Sauvage, quel était ce papier mystérieux? Voici, la famille des Beaulieu, dont les aînés étaient marquis et les cadets comtes, avait pris part à la guerre de Vendée. L'un d'eux fut même un chef de Chouans célèbre. Or, en ces temps de troubles, alors que leur tête était menacée, les seigneurs de Beaulieu réunirent leurs richesses et les cachèrent on ne sait où. L'endroit où ces trésors furent amassés avait été indiqué dans un papier, dans un manuscrit rédigé dans une langue secrète, dont chaque seigneur de Beaulieu avait une copie. Or, c'est précisément cette copie que le comte Georges de Beaulieu confia sur son lit de mort à Jules Bréat en lui recommandant de veiller sur son fils et de lui remettre ce papier précieux à sa majorité. Mais, objecta Léon Sauvage, comment eut-on connaissance de ces recommandations suprêmes? Jules Bréas avait-il révélé ce secret? Non, je te le disais tantôt, le major Bastien Génis veillait dans l'ombre. Il épiait la mort de son maître. Il entendit les dernières paroles et vit Jules Bréas s'emparer du précieux papier. Le lendemain, le fidèle serviteur partit, dans le but évident de mettre ce dépôt en lieu sûr. Il parvint à dépister Bastien Génis lancé à sa poursuite, et les barons de Gramat ignorèrent ce qu'était devenue cette pièce. Tout fait présumer, d'ailleurs, que les meurtriers mirent le fidèle serviteur à la torture pour lui arracher une révélation et que Jules Bréas préféra la mort à la révélation de ses serments. Léon Sauvage interrompit à nouveau Marcel Leguet. Le comte Georges de Beaulieu se méfiait donc de ses beaux-frères puisqu'il préférait s'adresser à un domestique. Oui, tout fait présumer qu'il soupçonnait les barons de Gramat de vouloir attenter à ses jours et à ceux de son fils. Pourquoi donc, en ce cas, ne les dévoilait-il pas? Pourquoi ne demandait-il pas aide et protection à la justice des hommes? Noblesse oblige, dit sentencieusement Marcel Leguet. Vois-tu un comte de Beaulieu en tachant le nom qu'il a uni au sien? Non, le défunt eût préféré la mort à la honte. Son épouse était morte? Non, elle vit toujours. Complice de ses frères? Non, mais le comte de Beaulieu la soupçonna sans doute injustement. Au surplus, la comtesse de Beaulieu était et est toujours une femme douce et faible qui ne se doutait pas de l'infamie de ses frères et était un instrument sans volonté. Peut-être son époux craignait-il plus sa faiblesse que toute autre chose. Bien, continue. Revenons-en au papier mystérieux. Le majordome Bastien Génis continuait ses recherches. Après de longues années, il finit par découvrir que le fils de son maître avait été confié à Paul Bréas, le paysan de Carmaux. Mais le jeune homme avait atteint sa majorité et son père adoptif était mort. La veuve de celui-ci était venue habiter Paris, où sa trace était perdue. Le défunt avait rendu l'âme en présence de plusieurs voisins qui, comme le jeune comte de Beaulieu, avait recueilli ses dernières paroles. Grâce à cette circonstance, Bastien Génis eut connaissance des dernières paroles de Paul Bréas. Le pâtre, dans le pâtre. Que signifiaient ces paroles énigmatiques? Un trait de lumière frappa l'esprit du majordome. Les statuettes de plâtre sont creuses. Or, les paysans ont l'habitude de cacher souvent leurs pécules à l'intérieur de ces petites sculptures. Tout s'expliquait donc. Jules Bréas, le serviteur du feu comte, avait confié le manuscrit mystérieux à son frère Paul. Celui-ci avait voulu révéler l'existence de cette pièce au jeune comte, mais la mort lui avait scellé les lèvres avant qu'il ne pût terminer la phrase commencée. La modeste statuette valait donc une fortune incalculable. Mais où était-elle? La veuve de Paul Bréas était introuvable. Plusieurs années s'écoulèrent. J'avais fait la connaissance du jeune comte Louis de Beaulieu qui m'avait révélé ces détails. D'autre part, dans ma vie aventureuse, je fus mise en rapport avec le fameux majordome Bastien Génis, homme peu recommandable, mais qui me fut utile en maintes circonstances. Ce Génis est un homme capable de tout, vivant de rapines, de vols, et prêt à commettre tous les crimes. Un jour qu'il était ivre, il me confia qu'il aurait fini dans la peau d'un millionnaire s'il était parvenu à retrouver certains petits pâtres ayant appartenu à un nommé Paul Bréas. Je recueillis ces révélations qui concordaient avec d'autres que m'avait faites mon excellent ami le comte Louis. Les choses en étaient là lorsque, il y a 2 jours, j'appris avec surprise qu'on allait mettre aux enchères les meubles ayant appartenu à une dame Paul Bréas. Je me rendis à la salle des ventes. Je vis la statuette représentant le pâtre et j'en devins acquéreur. J'avais un compétiteur, un vieillard, en qui je reconnus le misérable Bastien Génis, à qui ses crimes avaient rapporté 60 000 francs, qu'il eût sacrifié volontiers pour devenir le digne propriétaire du pâtre mystérieux. Et, demanda Léon Sauvage, ce Génis t'a reconnu? Penses-tu qu'il soit aisé de me reconnaître? Ne m'a-t-on pas appelé le cambrioleur Proté? Il n'y a que les amis comme toi qui me voient deux fois sous mon véritable aspect. Ce génisse m'a connu noir, poilu et barbu. À la salle de vente, il a vu dans son compétiteur un jeune dandy. Et ton pâtre, qu'en as-tu fait? Le voici. Marcel Leguet ouvrit la valise qu'il avait déposée en entrant sur le coin de la table et en tira le pâtre acheté quelques heures auparavant. Il retourna la statuette et enleva le plâtre qui embouchait le socle. Elle était creuse. Puis il introduisit deux doigts dans l'ouverture qu'il avait pratiquée et il en tira une feuille de parchemin qu'il étendit sur la table. Les mystérieux caractères suivants, tracés à l'encre de Chine, apparurent. Voir le billet qui accompagne cette lecture.